وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم دوست و بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ضرورتوں سے بھر رکھا ہے. قدم قدم پر انسان کے سامنے اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. On a commencé son intervention en nous disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé l'être humain. Et il a créé cet être humain avec un très grand nombre de besoins. Et afin de combler justement ces besoins, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place une organisation de tout ce qui se passe entre les cieux et la terre, afin que justement cet homme, il puisse combler ses différents besoins. اور ہر انسان کی ضرورت، اس ضرورت سے کوئی مستغنی نہیں ہو، کوئی مستثنا نہیں، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس ضرورت سے کوئی مستغنی نہیں اور اس ضرورت سے کوئی مستثنا نہیں. اے اللہ سبحانہ وتعالی، il a fait de sorte que dans tous ses besoins dont l'homme il est dépendant, il y en a bien un que l'on peut considérer comme étant le plus important, comme étant le besoin le plus prioritaire. Et ce besoin-là, il est général à tout le monde. Personne ne peut se dire ne pas être dépendant de ce besoin-là, que ce soit la personne qui soit riche, la personne qui soit moins riche, le jeune, le plus âgé, l'homme ou la femme, celui qui habite dans les villes ou dans les villages, tout le monde est dépendant de ce besoin-là. وہ ضرورت ہے ہدایت، اس لیے کہ اگر آدمی ہدایت سے الگ ہو گیا یا ہدایت اس سے الگ ہو گئی تو اسی کا نام گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ہدایت کا حاصل کرنا کھانے پینے سے کمانے سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے بندوں سے یہ کہا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. Ce besoin dont il est question et que personne ne peut se considérer comme étant être indépendant, c'est bien la hidayah, la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il nous dit que si une personne, elle est loin de la hidayah, ou encore que la hidayah s'éloigne d'une personne, alors il n'y a pas pire situation. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la hidayah, alors il y a Gumrahi, il y a l'égarement. Et le résultat de l'égarement, c'est quoi? C'est directement le Jahannam. C'est pourquoi il nous faut comprendre que plus que le besoin de se nourrir, de trouver un travail, etc., nous sommes dans la dépendance d'obtenir la hidayah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un besoin beaucoup plus important. Et c'est justement pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de l'implorer au sujet de la hidayah dans chacune des rakat de nos salats, en nous disant de l'implorer, اهدنا الصراط المستقيم, accorde-nous la hidayah, le droit chemin. اب ہدایت کیا ہے اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت ملتی کس کو ہے اور ہدایت جب ملتی ہے تو زندگی کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ Maintenant, la question qui se pose lorsqu'on a compris l'importance de la hidayah, c'est auprès de qui obtenir cette hidayah, comment l'obtenir, et après l'avoir obtenu, comment l'amener véritablement, l'appliquer dans notre vie. Hidayat sirf aur sirf Allah ke haath mein hai aur kisi ke haath mein hidayat nahi hai. Isiliye Allah ke Nabi alaihi salatu wa salam ne apne chacha Abu Talib par jab ye hidayat ka kalma pesh kiya to Abu Talib ne اپنے بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے دباؤ میں آ کر اس کلمے کو قبول نہیں کیا، اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہت بوجھ پڑا. تو قرآن کی آیت اتری إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نبی جی آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہتا ہے. Alors pour répondre à la première question, qui accorde la hidayah, maintenant il nous dit qu'il nous faut comprendre que la hidayah se trouve uniquement, seulement et exclusivement entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mis à part Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut obtenir la hidayah à quiconque. Et c'est justement pour cela que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début de sa mission jusqu'au moment où Abu Talib il va quitter ce monde, il ne va pas cesser de l'inviter vers le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivé sur le point de mourir, Abu Talib obtient encore une autre fois, une énième fois, cette demande de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'accepter le dîn, mais il ne l'accepte pas sous la pression justement des grands, des honorables Quraysh. Et cela va, ce qui fait qu'il va quitter ce monde sans iman, sans avoir obtenu la hidayah. Et cela va énormément chagriner le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tellement chagriné le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset du Coran pour rappeler cette réalité au prophète d'Allah que innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Que certes ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. اب کوئی یوں کہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اب اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو بندہ کیا کرے؟ یہ سوچ صحیح نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, دنیا میں آنے والا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے. جیسے گیہوں کا دانہ, ہر دانے میں اللہ نے دو صلاحیت رکھی ہے, کھیتی کی بھی اور روٹی کی بھی. اگر کھیت میں ڈالے گا تو کھیت ہوگا, اور اگر آٹا بنائے گا تو روٹی ہوگی. یہ ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے ہے. جیسے گیہوں کے دانے میں دو صلاحیتیں ہیں, کھیتی کی اور روٹی کی, ایسے ہی اللہ نے ہر آنے والے انسان کے اندر ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے. مگر اگر کوئی آدمی گیہوں کے دانوں کو دریا میں ڈال دے اور یوں کہے کہ اللہ اس کو اگائے گا تو نہیں ہوگا, کوئی آگ میں ڈال دے تو جل جائے گا. ایسی ہی تین بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی نحوست کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. Amana, il nous explique, il nous dit que lorsque l'on comprend que la hidayah se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement, alors une personne il pourrait se demander, ben, si la hidayah se trouve entre les mains d'Allah et qu'une personne n'obtient pas la hidayah et qu'il meurt donc sans iman, alors ce n'est pas de sa faute. Eh bien, soulever une telle question, une telle interrogation, objecter de la sorte, est quelque chose qui n'est pas bien. On ne devrait pas agir ainsi. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé chaque être humain, chaque insan, avec cette compétence, cette capacité, cette possibilité d'accepter l'iman. Dans un hadith au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit kullu mauloudin yuladu ala al-fitra, que toutes les personnes qui viennent dans ce monde, ils naissent avec la fitra, cette aptitude naturelle à accepter la hidayah. Maintenant, si cette personne ne prend pas le chemin de la hidayah, alors ce n'est vraiment et seulement, ce ne sera pas de... On ne pourra pas dire que c'est parce qu'Allah n'a pas voulu la hidayah pour lui qu'il n'a pas obtenu la hidayah. Et maintenant, il nous explique. Il nous dit que regardez un grain de blé. Un grain de blé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis deux qualités dans ce grain de blé-là. De ce grain de blé, si on va le planter, on pourra avoir un champ de blé. Ou si on l'utilise pour faire du rôti, du pain, alors on pourra l'utiliser dans ce sens. Donc il y a deux qualités, deux compétences dans le grain de blé. Maintenant, si une personne il prend ce grain de blé-là, il le jette dans l'eau, dans la mer, dans un fleuve, alors il va couler. Si on le met dans le feu, il va être brûlé, ça va se cramer, mais on ne pourra ni obtenir du rôti, ni faire de cela un champ de blé. Et bien, de la même manière, si Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette capacité en chaque être humain pour obtenir la hidayah, mais que de lui-même, de son libre arbitre, il ne veut pas, alors il n'obtiendra pas la hidayah. Maintenant, Mouana, il nous dit une parole vraiment très, très importante. Il nous dit qu'il existe trois péchés. Trois péchés tellement graves que si une personne s'engage dans ces péchés, alors il y a un très grand risque que cette personne-là soit privée de la hidayah. ان تین گناہوں سے پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کپڑا اچھا پہنوں جوتا اچھا پہنوں کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا تکبر نہیں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال تکبر کیا ہے کہ حق بات سامنے آوے اور آدمی اس کو قبول نہ کرے یہ سب سے بڑا تکبر ہے بھائی یہ سنت ہے اس کو اپناؤ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے اس پر چلو بھائی یہ گناہ ہے اس سے بچو لیکن آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے یہ سب سے بڑا تکبر ہے اور تکبر کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے جیسے فرعون فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اسی لیے فرعون پر جب اللہ کی طرف سے نو طرح کا عذاب آیا تو جب بھی عذاب آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور یوں کہتا تھا یا موسیٰ ادع لنا ربک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ تکلیف ہم سے ہٹ جائے تو لنؤمنن لک بہت تاکید کے ساتھ کہتا تھا وہ کہ ہم ضرور بھی ضرور آپ پر ایمان لائیں گے لیکن واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالی نے اس کو ہدایت سے محروم کر دیا Parmi ces trois grands péchés qui peuvent être à l'origine de la privation de la hidaya, de la guidée, il y a dans un premier temps, en premier lieu, le takabbur, le kibr, l'orgueil. Alors Mouna nous dit, qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? Il y a une fois un compagnon, radiyallahu anhu, qui est venu voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a demandé au prophète d'Allah, bien s'habiller, porter de beaux vêtements, de belles chaussures, est-ce que c'est cela l'orgueil ? Alors le prophète d'Allah va dire non, ce n'est pas cela l'orgueil. Inna Allah al-Jamil wa yuhibbul jamal. C'est Allah, il est beau et il aime la beauté. C'est pas cela l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi ? Maintenant, il nous explique. C'est que lorsque l'on présente une parole de vérité à quelqu'un, une parole de haq, et il n'accepte pas cela. Il n'est pas prêt à l'accepter, c'est cela l'orgueil. On dit à une personne que telle chose, c'est faire preuve de rébellion à l'égard d'Allah. C'est s'engager dans un péché, quelque chose qu'Allah il a interdit et il n'accepte pas. C'est cela l'orgueil. Lorsqu'on va dire à quelqu'un qu'agir comme cela, c'est agir de la façon sunnah. Donc accepte cela et il ne le veut pas, alors c'est cela, faire preuve d'orgueil. Et il nous dit que faire preuve d'orgueil en refusant les paroles de vérité, c'est agir exactement comme Pharaon. Et Pharaon, il a été justement, par rapport à cela, à cause de cela, privé de la hidayah, de la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À combien de reprises Moussa alayhi salatu wa salam, il s'est présenté devant Pharaon, il a appelé vers Allah mais il n'a pas accepté. Mieux encore, ou pire encore plutôt, lorsque 9 châtiments ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, afin de faire prendre conscience à Pharaon de l'importance qu'il y a à revenir vers Allah, à aucun moment il n'a accepté. Sauf que lorsque le châtiment arrivait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il partait auprès de Moussa alayhi salatu wa salam. Lorsqu'il venait, il était totalement faible, incapable de lutter contre ce châtiment de la part d'Allah, il allait auprès de Moussa alayhi salam en disant que implore Allah, implore ton Rabb, ud'u Rabbak, implore ton Seigneur pour qu'il enlève ce châtiment, la nu'minanna laka, certes, sans aucun doute, nous allons apporter iman en lui et en ta prophétie. Lorsque Moussa alayhi salatu wasalam, il levait les mains devant Allah, le châtiment était enlevé, il revenait vers sa situation précédente. Il recommençait à se prétendre comme étant un Rabb, comme étant le Créateur suprême. Il a fait donc preuve d'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala l'a privé de la hidayah. Dusri chiz jo hai, wo ta'assub hai. Jaise Abu Jahl. Abu Jahl ko malum tha ki aap alayhi salam jo baat farmate hain wo sach hai. Isliye ek martaba حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ کہ بالکل حق ہے لیکن ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے یہ تعصب ہے دین کی بات تو میرے بھائیوں دیوار پر لکھی ہوئی ہو تو بھی لے لینے چاہیے حالانکہ یہ ابو جہل اور اخنس بن شریق اور ایک تیسرا آدمی جب آپ علیہ السلام تہجد میں نماز پڑھتے تھے تو چپکے سے آ کر سنتے تھے روزانہ سنتے تھے قرآن قرآن ہے مقناطیس جیسے لوہے کو کھینچتا ہے قرآن دلوں کو کھینچتا ہے تو وہ آپس میں کہنے لگے بھائی اب زیادہ مت سنو ورنہ ہم بھی بدل جائیں گے تو تینوں نے کہا کل سے نہیں آئیں گے تو تینوں نے سوچا کہ وہ دو نہیں آئیں گے میں اکیلا جا کے سنوں تو پھر تینوں جمع ہو گئے کہ بھئی کل تو یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں سننا کہ کیا کریں رہا نہیں جاتا وہ جانتا تھا حق ہے لیکن اتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندان کے نہیں ہیں اللہ نے اس کو ہدایت سے محروم کر Le deuxième péché de quoi une personne peut être privée de la hidaya, c'est faire preuve de ta'assoub, faire preuve de sectarisme. Et maintenant, pour expliquer cela, il nous donne l'exemple d'Abu Jahal. Il dit qu'Abu Jahal, on sait tous qu'il était un ennemi acharné du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et un ennemi de l'islam. Sauf qu'au plus profond de lui-même, il savait que ce que le prophète d'Allah disait, c'était la vérité. À un point tel qu'une fois, il va rencontrer Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, Mughira ibn Shu'ba qui va lui dire, « Dis-moi franchement, ô Abu Jahal, est-ce que tu sais que ce que Muhammad dit, c'est la vérité ou non ?» Il va dire, « Oui, c'est la vérité. » Sauf qu'il ne fait pas partie de notre clan. Il ne fait pas partie de mon clan, donc je ne peux pas accepter quelqu'un qui n'est pas de mon clan comme étant au-dessus de moi. Il faisait preuve de sectarisme. Et la preuve, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, trois notables parmi les Quraysh, Abu Jahal, Akhnas bin Shurayk et un troisième homme. Tous les matins, ils étaient attirés. Mon ami dit exactement comme un aimant est attiré vers le fer. Ils étaient attirés par la récitation du Coran que faisait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, dans la salade de Tahajjud. Ce qui fait que tous les matins, ils venaient écouter. Ils écoutaient. Et cela avait un tel effet sur leur cœur qu'ils se mettaient à se dire qu'il ne faudrait plus venir maintenant. On ne viendra plus demain parce que sinon, on sera nous-mêmes trompés, entre guillemets, par ce qu'il est en train de réciter. Mais chacun de son côté, au plus profond de lui-même, il disait que l'autre ne viendra pas, mais moi je vais venir quand même, je vais écouter. Et ils se retrouvaient tous les trois le lendemain en écoutant le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran dans la salade de Tahajjud. Ce qui fait que ces personnes-là, ils n'ont pas obtenu la hidaya parce qu'ils ne voulaient pas accepter qu'une personne faisant partie d'un autre clan, d'un autre groupe, soit avec une parole de vérité. تیسری چیز جو ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر میں صحیح راستے پر آؤں گا تو پھر یہ جو میرا ٹھاٹ ہے زندگی گزارنے کا جو طور طریق ہے وہ سب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا جیسے قیصر قیصر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھا اس کی سمجھ میں بھی آ گیا لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ ساری چیزیں میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی لہذا اس نے بات نہیں مانی سمجھ میں آنے کے باوجود بعد میں تو آدمی حرام کمائی کرتا ہے یا کسی کا مال غصب کرتا ہے یا کسی کی زمین ہڑپ کرتا ہے اب اس کو کہتے ہیں بھائی اس کو چھوڑ دے تو کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو پھر میرا یہ سارا ٹھاٹ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے Le troisième péché qui fait perdre à une personne la hidayah, pour qu'une personne soit privée de la hidayah, c'est que cette personne-là, elle pense ainsi que si je vais accepter ces paroles de dîn, je vais accepter ce nouveau mode de vie, entre guillemets, qui est en conformité avec les attentes d'Allah, ce qui fait qu'il a reconnu que cela est la vérité. Mais si j'accepte cela, alors je vais perdre tous les profits que j'ai jusqu'à maintenant. Je vais perdre tous ces biens, toutes ces facilités, tout ce que j'ai, je vais perdre cela. Et il nous donne l'exemple du César de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce César, il avait été invité par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, empereur de l'Empire byzantin, à accepter l'islam. Il a reconnu cela. Il savait plus que beaucoup d'autres personnes que le prophète d'Allah était dans la vérité. Et ce dîne vers lequel il invitait, c'était la vérité. Sauf qu'il s'est dit que s'il accepte l'islam, alors il va perdre son pouvoir, il va perdre son trône, il va perdre son royaume, et il sera obligé d'adopter la ita'a, l'obéissance au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait qu'il a mis cela de côté. Il nous dit, c'est exactement comme lorsqu'on va voir quelqu'un. On va lui dire que, reviens vers le dîn d'Allah, accepte le dîn d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais pour cela, il faut que justement, tu arrêtes d'obtenir des biens de façon haram. Ou encore, si cette personne-là, elle s'est accaparée d'un bien de quelqu'un d'autre, alors ben, il faudra rendre cela. Eh bien, il se dit, si je me mets à accepter le dîn, à revenir de le dîn, je vais perdre tout cela. Je n'aurai plus autant de facilité. Alors, il n'accepte pas et il reste sur son état et il est ainsi privé de la hidayah. Ab hidayat kya hai? Ulama ne likha hai, al-hidayat nurun. Hidayat ek nur hai. يَقْدِفُهُ اللَّهُ بِقَلْبِمْ رَئِمْ مَنْ شَاءَ اللہ اپنے جس بندے اور بندی کے بارے میں چاہتا ہے اس کے دل کے دروازے کو کھول کر اللہ اس میں ہدایت کا نور داخل کر دیتا ہے اب ہدایت کا نور داخل ہوتا ہے تو زندگی کیسی ہوتی ہے؟ زندگی میں سنت اور بدعت، حق اور باطل، شر اور خیر، اس میں آدمی فرق کرتا ہے. یمیز بین الحق والباطل ویمیز بین الخیر والشر ویمیز بین السنت والبدعۃ. یہ ہدایت کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو آدمی شر کو چھوڑ دیتا ہے، بدعت کو چھوڑ دیتا ہے، اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور باطل کو چھوڑ دیتا ہے، اور حق کو اور خیر کو اور سنت والی زندگی اپناتا ہے. یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کا نور داخل ہو گیا ہے. Donc, après avoir compris qu'est-ce que c'est que. Maintenant, il explique maintenant c'est quoi la hidayah véritablement. C'est quoi la hidayah? La hidayah, il nous dit que les grands nous disent que la hidayah, c'est une nour. Une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait entrer dans le cœur de celui qu'il veut. Pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé le bien, alors il fait entrer par les portes de son cœur cette nour qu'est la hidayah. Maintenant, concrètement, comment la hidayah va se manifester dans la vie de quelqu'un? Lorsqu'une personne sera, sa vie, son cœur sera illuminé par la hidayah, alors il va abandonner l'innovation, la bid'a, pour se tourner vers la sunnah. Il va abandonner ce qui est mal, le char, pour se tourner vers ce qui est bien, vers le khayr. Il va abandonner le batil, la fausseté, pour se tourner vers le haq, vers la vérité. Et Moulay nous dit que le fait d'abandonner la bid'a, d'abandonner le mal, d'abandonner le faux, pour donner place à la sunna, au bien et à la vérité de notre vie, c'est cela justement les signes qu'une personne elle a obtenu la hidayah de la part d'Allah. Ab hidayat dil mein dakhil hui ki nahi hui, uski alamat kya hai? Jaise ek aadmi kehta hai ki mujhe bukhar hai, to samne wala aadmi fauran haath pakadta hai ki barf jaisa thanda hai, kya bukhar hai? تو بخار کی علامت بدن کا گرم ہونا. تو ہدایت دل میں اتری کہ نہیں اتری، اس کی تین نشانیاں. پہلی نشانی تجافی اندار الغرور، دھوکے کے گھر سے طبیعت کا اچاٹ ہو جانا. کروڑ پتی ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگتا، لکھ پتی ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا نور ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ ایک دن یہاں سے جنازہ نکلے گا، ایک دن اس کو مجھے چھوڑ کر جانا ہے. تجافی اندار الغرور، جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا ہو، 18-20 سال کا ہو گیا اور اچانک کوئی بیمار ہو کر مر گیا، تو کھانا پینا کمانا چھوڑتا نہیں ہے، کھاتا ہے تو بھی دل کی چوٹ کے ساتھ کہ میرا بیٹا چلا گیا، کماتا ہے تو بھی دل کی چوٹ کے ساتھ، کاروبار میں جاتا ہے تو دل زخمی ہے. ایسے ہی جب ہدایت کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو مکان میں رہے گا، کاروبار میں رہے گا، لکھ پتی ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، لیکن دل میں ایک چوٹ ہوگی کہ مجھے دنیا سے مر کر جانا ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگے گا. یہ پہلی علامت ہے ہدایت کا نور دل میں داخل ہونے کی. Maintenant, autre question qui se pose, est-ce que maintenant véritablement la hidaya fait partie de nos vies ou non? Est-ce qu'on a pu accepter cette hidaya véritablement ou non? Alors, Mani nous dit qu'il y a pour cela trois signes. Trois signes que si nous allons voir dans notre vie, alors on va comprendre que la hidayah est en nous. Et il nous donne cet exemple, il nous dit que c'est exactement comme quelqu'un s'il a la fièvre. Il dit qu'il a de la fièvre. Il dit qu'il a de la fièvre, sauf que lorsqu'on le touche, il est aussi froid qu'un glaçon. Alors on va dire que non, cette personne-là, elle n'a pas de la fièvre. La fièvre, le signe qu'une personne est fiévreuse, c'est que son corps est chaud. Et bien de la même manière, en ayant trois qualités dans nos vies, alors on pourra se dire, entre guillemets, qu'on a obtenu la hidayah de la part d'Allah. Premièrement, c'est que la personne qui a obtenu la hidayah, elle n'est pas trompée par les tromperies de ce bas monde. Les tromperies de ce dunya ne trompent pas cette personne qui a obtenu la hidayah. Et il nous dit, comment comprendre cela? C'est qu'une personne qui n'est pas trompée dans ce bas monde, par ce bas monde, bien qu'il soit millionnaire, billionnaire, il soit l'homme le plus riche du monde, mais cette richesse-là, cet argent-là, n'a pas entré dans son cœur. N'est pas entré dans son cœur. N'a pas affecté son cœur. Il vit dans ce monde, il utilise les asbab, les moyens de ce monde, mais cela ne dicte pas sa vie. C'est lui qui dicte ses biens de manière avec laquelle il veut mener sa vie. Et il nous donne cet exemple. Il nous dit, pour comprendre cela, il suffit simplement de voir comment un père qui vient de perdre son fils unique. Est-ce qu'une personne qui vient de perdre son fils unique, il va se dire qu'il arrête de manger, il arrête de boire, il arrête de travailler? Non, il continue à manger, il continue à boire, il continue à travailler. Mais il va vivre avec justement ce sentiment-là dans son cœur. Que je mange, je bois, je travaille pour mener une vie dans ce bas monde, mais le plaisir que j'avais avant, il n'est plus là, parce que mon fils, pour lequel je travaillais, pour lequel j'étais prêt à tout faire pour le faire plaisir, n'est plus de ce bas monde, a déjà quitté ce monde. Eh bien, la personne en qui le dunya n'est pas entré dans le cœur, c'est comme ça. Il vit dans ce bas monde, il utilise les biens de ce bas monde, mais ce bas monde-là ne dicte pas son cœur. C'est lui qui dirige les biens ou les dunya qu'il a entre ses mains. دوسری علامت ہے والإنابة إلى دار الخلود ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل کی توجہ ہو جاتی آخرت میری آخرت کیسے بنے کیا عمل کروں کیا کوشش کروں ہمیشہ والإنابة إلى دار الخلود ہمیشہ کے گھر کی طرف اس کے دل کا رخ ہو جاتا ہے یہ دل میں ہدایت کا نور داخل ہونے کی علامت ہے Deuxième point qui nous fait comprendre qu'une personne il a obtenu la hidayah de la part d'Allah, deuxième signe, c'est al-inabatu ila daril khulud. Le fait d'être constamment tourné, d'avoir notre attention tournée vers cette demeure-là qui est éternelle, vers le akhira. Cette personne-là, elle vit dans ce bas monde, mais elle vit avec ce souci, cet objectif-là, comment tout faire pour préparer mon devenir dans le akhira. Il vit dans ce bas monde, mais son cœur est entièrement tourné vers ce qu'il attend après la mort. تیسری علامت یہ ہے والاستعداد للموت قبل الموت موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا اور کسی کو پتا نہیں ہے موت کب آئے گی ہمیشہ وہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے یہ ہدایت کا نور دل میں داخل ہونے کی تیسری نشانی ہے et le troisième signe qui nous prouve qu'une personne a obtenu de la hidayah de la part d'Allah c'est que cette personne là à chaque instant de sa vie il est engagé dans ses préparatifs pour la mort. Et maintenant, il nous dit, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Qui sait quand est-ce que l'ange de la mort va venir le voir. Mais à chaque moment, on devrait être prêt pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, cette personne-là qui a obtenu la hidayah de la part d'Allah, à chaque instant de sa vie, il est prêt à ce que si la mort arrive, il est prêt à rencontrer Allah. Ab hidayat milegi kisko? Do logon ko. ایک یہدی الیہ من یونیب جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ سے دعا مانگتا رہے گا اللہ کے احکامات پورا کرتا رہے گا اور دوسرا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو اللہ کے لیے محنت کرے گا کوشش کرے گا اللہ کے راہ میں جائے گا ایک طرف اللہ سے مانگے گا اور ایک طرف اللہ کے دین کی محنت کرے گا اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ہدایت ضرور دیں گے اس لئے نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جا کر محنت کر کے دعا مانگ کر اور کوشش کر کے اللہ سے ہدایت حاصل کریں گے maintenant dernière question il nous dit qui va obtenir cette hidayah de la part d'Allah c'est qui qu'Allah subhanahu wa ta'ala à qui il va accorder cette hidayah et bien pour cela il faut comprendre qu'il y a deux types de personnes il y a un type de personne pour qui Allah subhanahu wa ta'ala il dit yahdi ilayhi man yunib Celui qu'Allah il a choisi, alors c'est qu'Allah il a choisi. Alors Allah il lui donne la hidayah. Ça c'est le choix et ce qu'Allah il a déterminé de par sa sagesse. Puis il y a un autre type de personnes. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Ces personnes-là qui vont s'engager dans l'effort de dîn, qui vont faire des sacrifices, qui vont prendre de leur temps, de leur bien, qui vont tout faire, tout mettre en œuvre pour obtenir cette hidayah. Et qui en plus de cela vont lever les mains devant Allah et vont l'implorer, « Oh Allah, accorde-moi la hidayah. » Et bien ces personnes-là, ils obtiendront la hidayah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il nous dit, conformément à ce deuxième type de personnes, nous devrions agir ainsi. Faire des efforts, être prêt à sortir de le chemin d'Allah, être prêt à faire des efforts pour obtenir cette hidayah et en plus de cela, lever les mains et implorer la hidayah de la part d'Allah. Karoge, inshallah. Kon karega? Qui est prêt, inshallah? Allez, haath uthao, lamba yu. Allah mujhe bhi tawfiq bhi, Allah aapko bhi tawfiq. Subhanallah, bihamdi, subhanallah.